suit le Tarout. Et Tarout, ici, on a traduit ça souvent par tyran, mais Tarout, Tara, ça veut dire qui transgresse, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans les limites qui sont les siennes par rapport à l'absolue grandeur de Dieu, irait trop loin, ferait preuve d'orgueil. Et tout ce qu'on a vu dans Ayat al-Kursi est une formidable invitation à l'humilité. Quand ce serait là, de ce point de vue-là, l'orgueil de l'homme, ce serait de penser qu'il peut outrepasser les limites, et outrepassant les limites, il parvient effectivement à une situation qui est une situation où il suivrait le transgresseur. Alors le transgresseur, c'est le tyran, celui qui pense que tous les pouvoirs sont dans ses mains, celui qui pense que son intelligence peut atteindre la vérité, celui qui, tout être qui produit la transgression au-delà des limites intellectuelles, politiques, sociales, et qui, de ce point de vue-là, même soi-même, on peut devenir tarout pour soi-même. Quand quelqu'un, par exemple, regarde son corps et peut vous dire « mais ça c'est mon corps, j'en fais ce que je veux », il outrepasse le droit du gestionnaire par rapport à celui du propriétaire. Le propriétaire a ce droit, pas celui qui gère. Le gérant, plutôt, est celui qui, de ce point de vue-là, doit garder les limites, préserver les limites, car sinon, il est en route, c'est-à-dire, il est usurpateur. Il usurpe des droits qui ne sont pas les siens. Et donc, celui qui reste dans les limites, qui comprend cela, eh bien, il a lance la plus solide. En fait, étonnamment, celui qui reconnaît sa faiblesse est le plus fort. C'est celui qui se pense fort qui est le plus faible. Et c'est cela la réalité spirituelle qu'enseigne la connaissance d'Allah SWT.